Le 18 janvier a été une journée très importante pour nous, dans la mesure où nous avons intercepté en 24 heures 85 étrangers en situation irrégulière. 2022an, 31.000 eta 200 migrante sartu ziren Ego Euskal Herriko mugetatik, 2024an kasik 64.000. Aldi berean, 500 atzerritar atxilotu zituzten Euskal Kostaldea deitzen duten eremuan, 2023an, delinkuentzia ekintzengatik, 850 iaz. 169 gehiago. 2024an, hilean atxilotutakoetatik 14 adin txikikoak ziren, aurtengo urtarrilean 19. Muga pasatzen laguntzen dituzten pertsonetaz galdegin diogu Jean-Marie Jigier prefetari, korrika garaian gertatu zen bezala. Moi j'ai pas d'avis à avoir en la matière parce que il y a une instruction judiciaire qui est en cours et je ne m'exprime pas sur une enquête en cours. Je crois que le procès a été récemment décalé. Mais il faut être attentif aujourd'hui. Pausa gunearen kanpoaldean izan diren atxiloketez ere galdegin diogu. Ça, je ne sais pas, je ne m'occupe pas du centre Pausa. 2024an, 49 pasatzaile atxilotu zituen poliziak, 2025 urtarrilean, 3. Horietatik 2018 berehala aurkeztuak izan dira epailearen aitzinera, eta 2025 urtarrilean, 3 kondenatuak. Atxiloketak nola egiten dituzten esplikatu digu prefetak. Alors, il y a deux choses. Il y a les interceptions qui sont réalisées à la frontière, comme vous le voyez là, et puis il y a des interceptions qui sont menées en profondeur sur le territoire. Je vous donne un exemple. Nous menons des actions. Gehitu dute ere, 2023an delinkuentziengatik atxilotu pertsonetarik 116 atzerritarrak zirela, aurtengo urtarrilean aliz 154. Galdegin diogu Sigie prefetari zer egiten duten atxilotuak diren atzerritarrekin. Ont été remises aux autorités espagnoles. Honela, arrazoitu dute beraz polizia ezberdinen arteko kolaborazio handiagoa, mugaz gaindiko elkarlana eta Europa mailako elkartasun handiagoaren beharra zenbaki horiei aurre egiteko.